Ainsi se termine cette première nuit racine au cours de laquelle nous avons pu entendre alors diverses émissions et diverses pièces, bien entendu, de Racine. Jennifer Tamas, c'est avec vous que nous avons commencé cette nuit, tout en parlant. C'est vous qui avez parlé. C'est ce qu'on vous demande pour parler du Silence trahi, Racine ou la déclaration tragique que vous publiez chez Droz. Vous nous avez dit que vous étiez professeur aux États-Unis. Vous pourriez aller dans quel pays parler de Racine? Quel autre pays? Où vous voulez. Non, je pense que c'est ça qui est très beau chez Racine, c'est que ça nous parle de la condition humaine, en fait. Et que finalement, on peut en parler n'importe où et que ça a une vérité intemporelle. Mais vous nous disiez aussi qu'aux États-Unis, dans le New Jersey, là, où vous enseignez, c'est un melting pot. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des étudiants colombiens, j'ai des étudiants chinois, égyptiens, parfois français, haïtiens. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est éblouissant, c'est que chacun reçoit ce texte avec son expérience, avec sa culture, et qu'il en fait quelque chose de profondément sien, puisque je m'en rends compte à chaque fois quand soit ils l'interprètent ou soit de manière encore plus personnelle ils écrivent des scènes d'après Racine. Alors il s'agit pas vraiment de pastiche, mais d'essayer de se remettre dans cette configuration tragique et d'écrire des dialogues pour dénouer grâce à une déclaration le nœud. Donc c'est vrai que c'est un exercice qu'on fait et j'adore le lire à chaque fois, j'y prends beaucoup de plaisir. Et ça doit être magnifique parce qu'on doit entendre de nombreux accents étrangers parlant, disant l'alexandrin racinien. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est une expérience enrichissante et c'est vrai que moi ça me plaît beaucoup parce que ça permet aussi de lutter contre deux tendances qui se trouvent en France, mais parfois même qui voyage avec certains Français aux États-Unis, c'est deux tendances opposées. Soit Racine, c'est un souvenir de lycée, ça vient d'un théâtre très rébarbatif. J'ai encore entendu ça dans une soutenance de thèse très récente. Oh là là, Racine. Ou l'autre préjugé, c'est Racine, monstre sacré, c'est un texte qui est sur un piédestal, on peut plus y toucher. Donc c'est vrai que du coup, l'enseigner à des Américains avec un regard neuf, je trouve ça extrêmement enrichissant. Eh bien, merci Jennifer Tamas. Et puis la semaine prochaine, donc à la même heure, eh bien, nous recevrons Mathilde Joanneau et Basile Ader, qui sont avocats et aussi comédiens. Et on parlera de la pièce Les Plaideurs, que l'on entendra du reste intégralement. Mais on entendra aussi un Phèdre par la compagnie Marie Belle, une émission de Lily Sioux sur Tendre Racine, écho du grand siècle. Et puis d'autres propos et pratiques, l'art du comédien, Attali, le songe d'Attali. Et on terminera par le texte, presque une heure sur le texte de Roland Barthes sur Racine que lisait Françoise Fabian au Festival d'Avignon en 1996. Merci à vous, Jennifer Tamas. Merci à Serge Bourris qui est venu nous parler aussi de son spectacle, donc Racine par la Racine. Philippe Garbi, Alice Sayed, Hassan Mbechour, Romain Masson, Virginie Mourtet. Très bonne journée à toutes et à tous. Et toutes ces émissions de la nuit sont à réécouter évidemment en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.